Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Il est le créateur d'une discipline étrange, une de ces sciences qui vous glace les os et à laquelle s'adonnent désormais nombre d'archéologues, l'archéothanatologie. Il a assuré les plus hautes fonctions de l'archéologie française et a enseigné durant des décennies à des étudiants qui revendiquent appartenir à son école. On l'a surtout vu fouiller des périodes anciennes, le dolmen de Ville-d'Hubert, la veine de Corconne, Bonifacio ou Salelle-d'Aude. Il vient aujourd'hui dans le Salon Noir pour nous conter ses fouilles et découvertes à Rome et Pompéi. Henri Dudet, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, médecin, archéologue, anthropologue, biologique, vous œuvrez désormais avec l'École française de Rome au cœur du Saint-Siège, le Vatican. Henri Dudet, quelle est donc cette science, l'archéothanatologie ? Oh, l'archéothanatologie, finalement, c'est l'archéologie funéraire. Mais c'est une archéologie funéraire qui est conçue... en plaçant le défunt, qui est le personnage principal, évidemment, des gestes que nous essayons de restituer, en plaçant le défunt, les restes du défunt, au centre du discours. C'est ce qu'on a appelé pendant un temps l'anthropologie de terrain. Mais l'archéothanatologie est un petit peu plus vaste en ce sens que c'est tout simplement la thanatologie, une science qui existe depuis fort longtemps, la thanatologie, appliquée aux populations anciennes. C'est donc la science de la mort dans toutes ses composantes biologiques, sociales, religieuses, culturelles. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'archéologie de la mort aux États-Unis ? C'est l'archéologie de la mort, mais donc c'est une archéologie de la mort qui se construit pour une large part sur l'archéologie des morts, des restes des morts. Alors disons-le tout de suite, ce sont plutôt des anthropologues qui fouillent les squelettes et non pas des archéologues désormais. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire par là que naturellement, il faut savoir observer, il faut savoir de quoi on parle. Donc il faut une connaissance ostéologique, il faut une formation poussée en ostéologie humaine. Mais le but, c'est évidemment de recréer, de restituer des comportements qui sont des comportements culturels. Donc si vous dites que ce sont des anthropologues culturels, pas de problème. Si ce sont des anthropologues biologistes, il faut qu'ils aient en même temps une formation archéologique complète. Donc ou bien il s'agit d'archéologues qui ont acquis des connaissances en ostéologie humaine, ou bien il s'agit d'anthropologues biologistes qui ont acquis des connaissances en archéologie. Mais il faut être à la fois l'un et l'autre. Alors le squelette, vous le disiez, est au centre de la tombe, et bien sûr des préoccupations de l'archéothanatologue. C'est aussi l'étude de ce squelette et de son évolution. Alors, de son évolution, je suppose que vous voulez dire son évolution dans le sol, l'évolution post-dépositionnelle, en quelque post-mortem. Sorte. Alors, post-mortem, il y a la phase antédépositionnelle. Bon, il y a les premiers temps qui peuvent être très importants dans certaines cultures quand on a des expositions de cadavres avant la mise en place dans la tombe. Mais Le discours de l'archéothanatologie se construit pour une part non négligeable sur les informations que nous donne la taphonomie du cadavre. La taphonomie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la taphonomie, bon, c'est un terme qui est très à la mode en archéologie, qui est utilisé avec des acceptions différentes selon les spécialités, mais d'une manière générale, la taphonomie telle que nous la concevons, nous, en archéologie funéraire, en archéothanatologie, ce sont tous les processus de dégradation naturelle du cadavre après sa mise en place dans la tombe, ou au moins, disons, après le décès, puisque la phase d'exposition que j'évoquais tout à l'heure entre, bien entendu, dans les processus taphonomiques. Donc il s'agit de phénomènes qui se produisent sous l'action des bactéries, des champignons, enfin la putréfaction du corps. Mais il y a évidemment l'intervention d'animaux plus importants et puis l'intervention d'agents naturels. Au premier chef, bien sûr, l'action de la pesanteur, qui va faire bouger les eaux, qui va agir en sorte que les eaux se déplacent au fur et à mesure de leur libération par la disparition des contentions articulaires. Et puis, il y a les ruissellements, les éboulements, etc. C'est par exemple la tête qui se détache et qui roule dans un espace ouvert. Voilà. C'est-à-dire que là, vous citez un exemple qui est tout à fait significatif. Les archéologues ont considéré, bien sûr, que la direction du regard pouvait être quelque chose de significatif dans les religions passées, la direction qu'on donnait au regard du défunt, l'orientation de la tête. Pour que les observations soient valables, il faut que nous soyons capables de faire la distinction entre une rotation originelle de la tête qui résulte d'un geste intentionnel de ceux qui ont constitué la sépulture, et faire la différence entre cette rotation originelle et une rotation acquise au cours de la décomposition lorsque les ligaments qui unissent les vertèbres cervicales ont lâché, par exemple. Faisons un petit tour d'horizon de vos découvertes. Dans vos nombreuses recherches, vous avez eu la chance de tomber sur cette vieille femme néolithique de 9000 ans et découverte à Bonifacio. Alors elle est pré-néolithique, elle est anté-néolithique. On est dans les tout premiers peuplements de la Corse, en tout cas peuplement cohérent, je dirais, de la Corse. Et oui, c'est une. Mais là, vous me renvoyez au tout début de mes travaux. C'était d'une belle découverte, donc j'en évoque. Elle a fait l'objet de ma thèse de médecine. Et parce qu'elle avait des pathologies tout à fait extraordinaires. Notamment, j'ai pu démontrer qu'elle avait une paralysie de la main gauche liée à un traumatisme du nerf ulnaire, d'un nerf qui est un des nerfs moteurs de la main. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette société pré-néolithique, ancienne donc, est capable de compassion et d'altruisme envers ses semblables, et notamment envers cette femme. Oui, mais pas seulement parce qu'elle avait une paralysie ulnaire. En fait, elle avait des lésions multiples qui, pour une bonne part, étaient des lésions chroniques, qui étaient des lésions relativement invalidantes. De sorte qu'il est certain que cette femme a été assistée. Alors bien sûr, l'assistance, ça peut être simplement l'échange de compétences, mais elle n'était certainement pas en mesure d'acquérir elle-même tous ses aliments, tous ses nutriments. Donc elle a été alimentée par le groupe, ça c'est sûr. Et puis, cette chose, cet altruisme paraît ancien, puisque nous avions évoqué CAVC11 il n'y a pas si longtemps, 100 000 ans, un enfant ayant reçu un choc, et donc, visiblement, lui aussi pris en charge. Visiblement, ce monde préhistorique est bien plus, je dirais pas tendre, mais bien moins brutal qu'on ne pourrait le penser. Vous avez raison. Eric Trinkaus, sur un néandertalien de Shanidar, en Irak, a montré aussi que cet individu polytraumatisé a été assisté pendant la durée relativement longue, certainement plusieurs mois, nécessaire à la cicatrisation de ses fractures. Et c'est vrai que la prise en charge d'un infirme chez les Néandertaliens, ça éclaire quand même d'un jour un peu différent ces populations que souvent on représente d'une manière assez brutale, assez violente. En tout cas, Henri Dudet, dans ce tour d'horizon, il nous faut aussi parler de ce ganglion calcifié découvert dans le dolmen de Ville-d'Hubert. Oui, ça c'est, comme pour Bonifacio, c'est une chose qui m'a intéressé parce que ça montre les interactions entre la fouille des ensembles funéraires, des sépultures ou des ensembles funéraires, et la paléopathologie. La paléopathologie est souvent une discipline médicale, de laboratoire. Il n'empêche que les observations faites sur le terrain peuvent éventuellement alimenter largement la discussion. Alors c'était la position de la main gauche pour le squelette de Bonifacio. Là, il s'agit d'un tout petit caillou, en quelque sorte, qui mesurait 13 mm de long, qui manifestement était constitué de couches concentriques d'os autour de deux petits noyaux qui ressemblaient un peu à des grains de maïs. Et Charles-Albert Beau, à Genève, a montré qu'il s'agissait d'un ganglion tuberculeux d'huile pulmonaire calcifié. Selon lui, le plus ancien témoignage de tuberculose pulmonaire qu'on connaisse au monde, peut-être que depuis il y a eu d'ailleurs des découvertes, je ne sais pas, la question n'est pas d'avoir le plus ancien. Mais bien sûr, quand on sait le poids de la tuberculose pulmonaire dans un groupe humain, pour moi, c'est une information qui, du point de vue culturel, a autant de valeur que la manière dont il taillait le silex ou la manière dont il décorait la céramique. Et cette tuberculose, donc, elle apparaît à peu près quand ? De quand date ce fameux dolmen de Ville-d'Hubert, qui est un dolmen un peu particulier, qui avait déjà été fouillé, je crois, hein, c'est ça ? Non. C'est moi qui en ai fait la fouille complète. Mais c'est un dolmen qui a une histoire particulière parce qu'il a été un dolmen... Les dolmens dans le sud de la France, il est tout près de Carcassonne, sont relativement tardifs, probablement néolithique récent, néolithique final, mais il a été entièrement détruit. Les orthostates ont été arrachés, l'architecture a été démontée, la couche funéraire a été vidangée au chalcolithique, donc par les campaniformes, aux environs de 2200 avant Jésus-Christ. Et c'est dans la couche campaniforme que nous avons trouvé ce ganglion tuberculeux. Alors, vous me parlez d'archéothanatologie, vous venez aussi de me parler de paléopathologie. Je vous répondrai forensic anthropology, c'est ça ? Il y a plein de disciplines autour de la recherche de l'homme et de cette archéologie ? Alors oui, la forensic anthropologie, c'est évidemment l'anthropologie dont on entend parler très régulièrement à la télévision avec les émissions telles que Bones, etc. Enfin, bon, dans les séries télévisées. Les séries télévisées avec la police scientifique, etc. Il y a des interactions extrêmement fortes. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, ce sont des enquêtes qui cherchent à déterminer la position de l'individu, les circonstances de dépôt et éventuellement les circonstances de décès. Il y a beaucoup de rencontres et effectivement, nous avons à interagir assez régulièrement. D'ailleurs, dans nos formations, de plus en plus viennent des personnes qui travaillent dans des laboratoires de médecine légale en France, forensic anthropologie dans d'autres pays. Hormis des pratiques rares, le zoroastrisme, les vautours et les tours du silence, les sociétés ont généralement opté pour deux grands modes funéraires, l'inhumation et l'incinération, du moins dans nos sociétés. Oui, ce sont les deux grandes alternatives, en quelque sorte, qui sont retenues pour, je dirais même, la classification des modes funéraires selon les populations, selon les groupes humains. Je ferai une petite remarque sur le terme incinération. Le terme incinération, c'est un terme qu'on tend progressivement à abandonner. Dans la langue française, il suffit de consulter le dictionnaire historique de la langue française, le terme incinération désigne bien le traitement du cadavre humain par le feu. Donc, aucun problème, nous pouvons employer ce terme. Et pendant très très longtemps, les archéologues ont parlé de sépulture à incinération. Dans notre société, vous savez que ce traitement du corps tend à devenir de plus en plus fréquent. Et il se trouve que les personnes qui veulent promouvoir ces pratiques préfèrent employer le terme de crémation. Je dirais même qu'elles refusent complètement le terme d'incinération, tout simplement parce que dans notre société, nous avons les incinérateurs d'ordures ménagères. Nous apportons nos défunts au crématorium et pas à l'incinérateur. Et nous pratiquons la crémation plutôt que l'incinération des cadavres. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle nous préférons le terme crémation. Incinération, étymologiquement, ça veut dire réduire en cendres. Et parce que ça signifie réduire en cendres, beaucoup de personnes imaginent que le passage du cadavre sur le feu va transformer le squelette en une poudre impalpable. Ça serait une sorte de sublimation, un passage direct de l'état solide à l'état gazeux avec des résidus infimes. Or, évidemment, il reste des résidus osseux relativement importants. C'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons faire des études de sépulture à crémation. Alors évoquons justement la mort à Rome. Comment s'enterre-t-on à Rome ? Les textes antiques ne nous disent-ils pas tout sur ces pratiques funéraires ? Alors c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Vous disiez en introduction que j'avais surtout travaillé sur des périodes anciennes. Et vous avez cité des sites, bon, pas Salelle-d'Aude, qui est un atelier de potier gallo-romain, mais les autres sites que vous avez cités sont des sites effectivement préhistoriques. Je ne me suis pas beaucoup occupé de l'archéologie gallo-romaine pendant longtemps parce que, d'une manière tout à fait stupide, j'imaginais que les textes nous disaient tout. En réalité, ce que nous observons, les textes nous informent sur un certain nombre de choses, sur des comportements, sur ce qui justifie tel ou tel comportement. Mais les textes nous parlent très, très peu des pratiques, de la manière dont on agissait, des gestes que l'on faisait de manière directe dans le traitement du corps. Ce que vous fouillez, c'est la nécropole du Vatican, rien de moins, le long de la voie triomphale, la Via Triumphalis, c'est bien ça ? Voilà. Alors, Et avec, bien sûr, le concours du Vatican. Voilà. Ce sont des secteurs de nécropole qui ont été fouillés, je dirais, à l'occasion de travaux. Et cette nécropole de la Via Triumphalis, en fait, a été reconnue dès 1543, lorsqu'on a construit un des bastions de la fortification de l'État du Vatican, les fortifications que l'on voit encore aujourd'hui. Et puis, il y a eu des aménagements, il y a eu des travaux importants en 1930, entre 1956 et 59, à l'occasion de la construction d'un parking souterrain, et puis à l'occasion de la construction d'un supermarché, etc. Bon, et il y a un certain nombre de tranches. Ça a été d'abord de l'archéologie de sauvetage, ensuite, pour une part, de l'archéologie préventive. C'est la même évolution que celle que vous avez décrite bien souvent, notamment pour la France. Et cette nécropole est donc s'ordonne, comme toujours dans ces villes antiques, le long d'une des voies qui longe une colline, qui longe le versant nord-est d'une colline qui se trouve actuellement sous l'État du Vatican. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Henri Dudet, comment se présentent ces mausolées ? Alors, ces mausolées se présentent de manière tout à fait variable, parce que cette nécropole a une histoire relativement longue. Les monuments les plus anciens datent pratiquement de l'époque augustéenne, la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et surtout le 1er siècle après. Pour cette période, on a des petits monuments construits, voûtés, avec stuqués, avec des peintures pariétales à l'extérieur et à l'intérieur. Et les urnes sont prises dans la maçonnerie le plus souvent dans le sol de la petite chambre. Ce sont des monuments petits qui, à l'extérieur, font entre 1 mètre et 2 mètres, pour la plupart, entre 1 mètre et 2 mètres de dimension. Donc la chambre elle-même est vraiment petite. Il y a une première période de glissement de terrain, ce que les Italiens appellent une frana, c'est-à-dire vraiment les monuments étaient complètement noyés, pour une part détruits, mais certains ont été complètement recouverts et donc perdus, ce qui est une circonstance extraordinaire parce que quand les archéologues ont fouillé, ils ont vu sur le sol de ces chambres tous les objets qui étaient en relation avec les rites commémoratifs, avec les libations, avec tout le fonctionnement, je dirais, d'un petit mausolée. Ces monuments sont petits. On a une deuxième période où on voit s'installer des monuments beaucoup, beaucoup plus importants. On a à ce moment-là des petites niches dans les parois avec des urnes. Et là, le nombre d'urnes peut devenir vraiment beaucoup, beaucoup plus important. On a des monuments qui contiennent 60, 80 urnes. Et là, c'est une autre paire de manches quand il va falloir travailler là-dessus. Vous avez étudié un enclos particulièrement important, celui de Alcimus, un personnage important de la Rome antique. Alors, un personnage important. Alcimus, c'est un esclave. On a sa stèle funéraire. C'est un esclave personnel de l'empereur Néron. Et il peut paraître, a priori, surprenant de trouver dans une grande nécropole romaine un mausolée avec une dédicace à Alcimus, qui est manifestement le personnage pour qui ce mausolée a été fait. Mais la stèle nous informe, nous dit que cet Alcimus était, le terme est, gardien de scène du théâtre de Pompée. Mais gardien de scène, ce n'est pas l'hallebardier. En fait, on le voit en pied, il est représenté, et il a ses instruments d'architecte. C'est-à-dire que c'est le chef machiniste, le chef décorateur. C'est donc un personnage important, enfin qui joue un rôle important. Et sa femme, lui, fait faire ce monument au moment de son décès. Combien d'urnes sont présentes dans ce mausolée ? Une urne, j'imagine, correspond à un individu. L'idée, une urne, un individu, c'est l'idée que nous avions tous au moment où nous avons commencé ces travaux. Il y avait 5 urnes sur le fond des urnes en céramique prises dans le sol, dans la maçonnerie du sol. 5 urnes sur le sol, plus une urne en verre déposée dans un coin. Et puis il y a deux tombes, mais qui ont été installées postérieurement. Donc a priori, nous imaginions qu'il y avait 5 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 8. Les deux tombes postérieures sont des tombes qui ont livré chacune un individu, plus pour chacune deux petits fragments d'os qui appartiennent manifestement à un autre sujet, parce que nous avons des doublons ou des incompatibilités d'âge. Et là, l'explication est simple. C'est une erreur de collecte. Les individus ont été brûlés à un endroit où on avait antérieurement brûlé d'autres sujets. Il y avait des os résiduels qui, par erreur, ont été ramassés. Après la crémation des sujets. En revanche, dans les urnes, il y a un mélange extraordinaire. C'est-à-dire que si on additionne le nombre de morts qu'il y a dans les urnes, en calculant un nombre minimal d'individus par urne, l'urne 1 contient 3 sujets, un adulte et 2 enfants, l'urne 2 un sujet, l'urne 3 principalement des cendres, mais un adulte, l'urne 4 3 sujets adultes dont un homme, l'urne 5, 2 adultes de sexe indéterminé. L'urne 6, 2 adultes de sexe indéterminé. La petite urne de verre contient les restes de 4 individus. Si on additionne, ça fait 16 sujets. Mais en réalité, c'est un fantastique jeu de chaises musicales. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les mêmes individus, les os des mêmes individus étaient répartis dans des urnes différentes, ce qui fait qu'au total, on a seulement 4 adultes, dont 2 hommes et une femme, plus 2 enfants. Un enfant d'environ 8 ou 9 ans et un enfant de 3 à 5 ans. Et Alcimus, vous l'avez retrouvé ? Au début, je pensais que c'était l'homme. Mais il y a au centre de la pièce, il y a deux conduits qui s'enfoncent dans la maçonnerie. Un conduit qui est un tube à libation et un conduit qui est constitué de 2 tuiles canal affrontées. Ce qu'on appelle les imbriquesses, et affrontées. Et nous avons pu descendre une caméra par ce conduit. Et à 1,40 m de profondeur, il se développe un petit caveau maçonné, une petite chambre maçonnée qui doit faire à peu près 60 cm sur 40. Et là-dedans, nous avons des os brûlés. On a fait quelques prélèvements. Ce n'est pas encore fouillé parce qu'il faut que nous obtenions un bras articulé de télémanipulation. Mais les os que j'ai prélevés appartiennent à un adulte dont je sais qu'il ne peut pas être l'un de ceux qui sont contenus dans l'urne. Donc je pense que ça doit être Alcimus, mais ça reste à déterminer, évidemment. Henri Duda, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes directeur de recherche au CNRS, médecin, archéologue, anthropologue biologique, créateur de l'archéothanatologie, que vous mettez actuellement en œuvre au cœur de la nécropole du Saint-Siège, donc le Vatican. Ce que vous extrayez, ce n'est jamais grand-chose. Par exemple, 1160 grammes d'os brûlés pour un seul individu. Oui, mais 1160 grammes d'os brûlés, nous disposons de données qui ont été, de données pondérales, donc qui ont été enregistrées dans des crématoriums actuels. Et certains adultes, bon, certes pas des plus robustes, mais ont un squelette qui, à la sortie du crématorium, ne pèse pas plus de 1220 grammes ou quelque chose comme ça. Donc si en plus vous éliminez les esquilles qui probablement n'ont pas pu être collectées sur le bûcher, vous trouvez des valeurs qui sont tout à fait satisfaisantes. 1160 grammes, ce n'est pas une masse ridicule pour une crémation. Prenons l'exemple du mausolée 34. Vous le trouvez particulièrement intéressant. Donc 4 urnes et puis un individu avec pas mal de pathologies, mais aussi plein d'autres choses. Voilà. Au départ, donc, ce mausolée a été beaucoup plus détruit. Nous ne connaissons pas l'épitaphe. Là, l'épitaphe a disparu. Il y avait 4 urnes de dimension égale. Évidemment, l'hypothèse, comme toujours, c'était une urne, un sujet. En réalité, par l'étude, je me suis rendu compte qu'une seule de ces urnes, l'urne qui est le plus au nord dans la chambre, contenait vraiment les os collectés sur le bûcher. Deux des urnes contenaient l'une à peu près 80 grammes d'os, l'autre 50 grammes d'os, avec des cendres. Et ces 80 et 50 grammes d'os appartiennent, j'en suis certain, à l'individu de l'urne nord, parce que j'ai trouvé des collages. c'est le même individu adulte avec beaucoup de signes pathologiques, d'arthrose. Ce n'est pas une pathologie très lourde, mais il y a une arthrose diffuse. Et donc, on sait très bien que les urnes contiennent les os du même individu, mais qu'il ne s'agit pas de collecte. En fait, il s'agit du curage de l'aire de crémation après la collecte. On commence par ramasser les os qu'on met probablement dans un contenant, un sac ou quelque chose comme ça, et qu'on va déposer dans l'urne. Et ensuite, on va curer l'aire de crémation. Curant l'aire de crémation, on récupère des morceaux qui, naturellement, sont beaucoup plus petits, puisqu'on a enlevé les plus gros. Et chose particulière, il y a là une proportion importante d'os des mains, parce que Gilles Grévin a montré que dans la crémation, les os des mains se détachent très rapidement, tombent, et sur les bûchers traditionnels, en fait, ces os des mains sont recouverts par les cendres et ils sont masqués, en quelque sorte, à l'oustor, au préposé à la crémation. Ils ne sont plus visibles au moment où les gens font la collecte. Donc on ne les a pas dans les urnes, on peut les avoir dans les curages ou dans les bûchers, lorsque nous en avons fouillé, par exemple, à Pompéi. Ce que vous tentez donc, c'est de remonter les ossements, vous cherchez d'éventuelles connexions, voilà, entre, et même entre les individus dans les différents mausolées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'étude des sépultures à crémation a pour une large part été une étude quantitative pour comprendre les gestes. Et c'est ce que vous évoquiez sur la masse, etc. Mais l'étude qualitative, ce sont les liaisons ostéologiques. C'est reconnaître des fragments osseux qui appartiennent au même individu. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question d'os ramassé par erreur, en quelque sorte, d'os résiduel sur l'aire de crémation. Eh bien, à Pompéi, on en a trouvé. Il a été possible de les mettre en relation avec des tombes identifiées. Et à ce moment-là, on sait que deux individus sont brûlés au même endroit, mais on sait qui a été brûlé le premier. Le monument 35 est celui d'une jeune femme, Érotis, morte à 14 ans, 9 mois et 21 jours. Dans son urne, 5,5 grammes. Où est Érotis ? Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui ai dit qu'elle était morte à 14 ans, 9 mois et 21 jours. C'est écrit sur son épitaphe. Bon. Il y avait trois urnes dans le mausolée. Et les deux dédicataires, qui sont son époux et son père, j'imaginais qu'ils étaient aussi dans le mausolée. Et en fait, il y a deux urnes vides, enfin qui contiennent du matériel, des offrandes. Et puis, il y a une urne qui, au fond, et je sais que c'est en place parce qu'au-dessus, on a des lampes à huile intactes, des choses comme ça. Si la tombe avait été pillée, bien sûr, ces objets auraient disparu. Il y a ces 5,5 grammes d'os qui sont éventuellement compatibles avec un sujet jeune, mais ce sont des fragments de diaphyse tibiale. C'est très, très difficile de donner un âge précis. Il y a un conduit à libation qui s'ouvre au milieu de la chambre. Peut-être, ça c'est l'avenir qui nous le dira, peut-être y a-t-il aussi une chambre souterraine qui contiendrait les os d'Érotis. Henri Dudet, merci beaucoup. La semaine prochaine, nous évoquerons Marseille et ses territoires dans l'Antiquité. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Élise Le, attachée d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richaud.